Bien-aimés, le premier jour de la semaine est déjà bien entamé, n'est-ce pas? Il est presque 11h du matin, vous voyez. Alors, il y a quelques heures, Marie-Madeleine s'était rendue au tombeau, poussée par l'amour du Christ. Et oui, c'était ça, l'amour du Christ. Qu'est-ce qu'elle aime, Marie-Madeleine? Amour fou pour Jésus, qui fait que dès le dépotron minet, dès que le sabbat est terminé, elle court au tombeau pour aller pleurer sur la pierre. Souvenez-vous, pendant la vigile, pour ceux qui étaient là, vous n'étiez pas tous là, puisque vous n'étiez pas aussi nombreux hier soir, mais vous étiez très nombreux quand même. Pendant la vigile, pendant toute cette nuit où nous avons prié, nous l'avions vu s'approcher au moment où la terre avait tremblé violemment et où l'ange de Dieu, descendu du ciel comme l'éclair, avait poussé lui-même la pierre devant le tombeau, et s'était assis dessus, paisiblement. Les gardes, eux, étaient tombés raides, morts de peur. Et Marie-Madeleine avait reçu la première de la bouche de l'ange, et l'annonce de la résurrection, et le mandat express d'aller l'annoncer aux disciples. Immédiatement, elle s'était mise en route vers la chambre haute où sont calfeutrés le petit groupe des apôtres, trouillomètre à zéro, craignant ce que les grands prêtres allaient bien vouloir faire d'eux après la mort de Jésus. Et en chemin, ce Jésus lui-même était apparu à Marie, Marie-Madeleine et l'autre Marie. Leur joie leur avait explosé dans leur cœur. Elle s'était précipitée vers lui comme une mère retrouve son enfant perdu au bout de 3 jours. Mais Jésus les avait envoyés à son tour annoncer la résurrection aux disciples. Les premiers qu'elle trouve sont Pierre et Jean. Pierre, celui que vous savez, Jésus lui-même avait désigné comme le chef du groupe. Et Jean, le disciple bien-aimé, le plus jeune, qui était resté auprès de la Vierge Marie durant toute la Passion. Aussitôt, les deux s'élancent à leur tour en courant hors de la ville en direction du Golgotha et du tombeau. Jean, le plus jeune, arrive le premier à l'entrée du tombeau et penche la tête pour regarder à l'intérieur, mais il n'entre pas. Et on voit là tout le respect de Jean pour Pierre, le plus ancien, mais surtout celui que Jésus avait choisi pour être le premier pape. Et Jean le sait, quand Jésus choisit quelque chose, quand Jésus décide quelque chose, il faut le respecter religieusement. Pierre avait trahi Jésus 3 jours avant, et pourtant il demeure pape, et Jean le sait. Il n'entre donc pas dans le sépulcre, mais il aperçoit seulement ce qui s'y trouve et surtout ce qui ne s'y trouve pas. Pour l'heure, il s'agit de vérifier si les femmes ont dit vrai, si elles ne se sont pas laissées entraîner par l'émotion, je ne sais quelle hallucination, et si Jésus, qu'elles disent ressuscité, n'a pas plutôt été enlevé. Tout ceci est très important, frères et sœurs, parce qu'il ne faut pas que la foi repose seulement sur des on-dit, sur des rumeurs, sur des fake news ou sur des sentiments. Et non. Il faut que les faits soient réels et qu'on puisse les vérifier. Jean et Pierre, voyez-vous, deux bons hommes rationnels. Ils veulent voir s'il y a des preuves, vérifier les paroles des femmes, et c'est très bien. Et justement, les preuves, eh bien, ils vont commencer à les voir très clairement. Pierre arrive enfin, essoufflé, le pauvre. Il entre alors immédiatement dans le tombeau obscur, mais éclairé par la lumière du jour. Il aperçoit lui aussi les linges posés à plat et le suaire qui servait à enrouler la tête, délicatement enroulé, toujours, à part et posé à sa place. Les linges mortuaires sont donc là, intacts, posés, proprement. Seul le corps a disparu. Et immédiatement le raisonnement se fait dans la tête du détective Saint-Pierre. Mais enfin, quel profanateur de tombeau aurait pris le temps et la peine de désembaumer un corps dans le tombeau, avant de l'enlever et surtout de bien replacer tout comme si rien ne s'était passé. Aussi proprement, comme si le corps avait simplement traversé les linges sans bouger avant de partir. Alors non, ce n'est pas un enlèvement. Ce serait absolument illogique et irrationnel. Donc ça ne pourrait pas être digne de foi. Vous êtes d'accord, frères et sœurs ? Ce qui est digne de foi est rationnel, logique, intelligent, parce que c'est vrai. Pendant que Pierre constate et réfléchit, le cœur battant, Jean est entré à son tour. En une phrase, il résume ce qui se passe en lui-même. Il vit et il crut. Jean, que l'on sait d'une intelligence très vive, il suffit de lire son évangile, passe du doute à la foi devant les signes en un instant, sans avoir besoin de plus d'explications. En réalité, il n'y a pas d'autre explication rationnelle au fait qu'il se trouve là devant leurs yeux. Jésus est bel et bien ressuscité. Son corps a traversé les linges alors qu'il reprenait vie. Une vie totalement nouvelle, dans un corps glorieux, un corps clair, subtil, impassible, incorruptible. À cet instant, frères et sœurs, à cet instant de l'histoire, de l'univers, la foi, la vraie foi, don de Dieu qui descend du ciel jusqu'au tréfonds des âmes, la foi complète, totale, sans qu'il y ait besoin d'y ajouter quoi que ce soit. La foi est entrée dans le cœur d'un homme, et c'est dans le cœur de Saint Jean. Cette foi qui, à vrai dire, était déjà là, mais qui avait besoin des signes, qui avait besoin des faits, des preuves pour s'enraciner profondément dans son âme, si profondément qu'elle va entièrement transformer sa vie, et avec elle, celle de tous ceux qui, après lui, après Marie-Madeleine, après Pierre, après les autres apôtres, et après les 500 témoins, personnes qui vivent le corps de Jésus ressuscité de leurs propres yeux de chair pendant 40 jours, qui ont suivi la résurrection, jour de Pâques que nous célébrons aujourd'hui. Cette foi en la résurrection de Jésus, nous le savons, c'est celle qui, depuis bientôt 2000 ans, a profondément transformé la face du monde et qui anime aujourd'hui encore plus de 2 milliards d'hommes. Nombre qui croient de jour en jour, n'en déplaise aux prophètes de malheur qui veulent nous persuader, nous faire croire que le christianisme est mort parce que ce serait une fable, mais enfin ce serait complètement illogique. Cette foi, eh bien, elle nous a été transmise sans interruption, de génération en génération, avec le témoignage de l'Évangile, mais aussi de la science, qui ne cesse de se pencher sur les faits historiques et sur les témoignages matériels, comme par exemple le Saint-Suaire, mystère de la science, provocation de l'intelligence, preuve de la vérité de la résurrection. La science confirme sans cesse ce que l'Église ne cesse de proclamer depuis ce jour de la résurrection du Christ. Les faits sont là et c'est la raison pour laquelle notre foi est parfaitement solide, rationnelle. Seulement, elle est aussi un choix que nous devons poser. Le choix de voir, de regarder vraiment les faits. Le choix de voir comme Saint Jean a vu, à regarder, le choix de voir les signes qui sont autour de nous tous les jours, le choix de le regarder attentivement, honnêtement et rationnellement. Elle est un choix que nous posons, un choix de se laisser rejoindre par le réel, plutôt que d'élaborer ou de suivre des théories rationalistes, toujours un peu fumeuses, qui sont portées en général par la peur, voire même par la haine de Dieu, qui ne sont que des sentiments irrationnels. Frères et sœurs, aujourd'hui dans cette église du Lavandou, nous sommes réunis nombreux ce matin et j'en suis très heureux. Et nous sommes réunis par cette foi en la résurrection de Jésus-Christ. Cette foi qui est dans nos cœurs, chacun à son niveau peut-être, plus ou moins enraciné, plus ou moins répandu dans tout notre être, jusqu'au bout de nos ongles et de nos cheveux. Cette foi en la résurrection du Christ, parce qu'un matin, un dimanche matin du printemps de l'an 33, en entrant dans un sépulcre vide où avait été déposé un corps mort de Jésus 3 jours plus tôt, Jean a vu et a cru. Et cette foi a le pouvoir, comme elle nous l'a montré durant les siècles passés, de transformer profondément le cœur des hommes et tout leur être pour les unir tout entiers à Dieu. Et j'en veux pour preuve, s'il fallait un seul exemple, le corps de ce jeune Carlo Acutis, pour qui nous avons dédié notre nouvelle salle paroissiale, ce jeune Carlo Acutis qui, des années après son ensevelissement, est toujours incorrompu, comme le corps de nombreux saints, comme le corps de ces religieuses qui sont dans un cimetière non loin d'ici, dont le croque-mort, le fossoyeur, pardon, m'annonçait que, en voulant réduire les corps, ils ne pouvaient pas le faire car ils étaient incorrompus. Signe de la vérité de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, la vie éternelle, la résurrection des corps. Puissions-nous dès ce matin, alors que cette foi est attaquée de toutes parts dans notre petit monde occidental, recroquevillé sur son nombril, pétri d'orgueil et de suffisance, mais surtout de haine. Haine de Dieu d'abord, mais haine des hommes et haine de soi-même. Eh bien, puissions-nous ce matin recueillir de nouveau cette foi devant les faits incontestables pour la porter au monde comme la plus grande, la plus belle, la plus puissante nouvelle de toute l'histoire. Car c'est ainsi, frères et sœurs, et seulement ainsi que le monde retrouvera le chemin du bonheur. Jésus nous l'a dit, « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin parmi d'autres », »,« Je suis le chemin », car je suis le seul ressuscité, je suis la résurrection et la vie. C'est seulement ainsi que le monde retrouvera le chemin du bonheur, le chemin de la paix et de la joie, qui ne peuvent venir que de la vie éternelle promise et transmise par notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, proclamons-le maintenant ensemble. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.